Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la vanité de ce monde qui passe versus la durabilité du royaume de Dieu qui ne passera jamais. Ce monde est mauvais, il peut détruire votre vie de mille et une manières. Si les joies de ce monde vous attirent, prenez garde, car ces joies éphémères se tourneront en larmes amères. Thérèse d'Avila a écrit « J'ai eu confiance en l'aide du monde. Je vois maintenant clairement que tout cela ne vaut pas plus que quelques brins de romarin desséchés. » Le monde ne peut pas vous consoler. Le monde ne veut avoir affaire qu'avec ceux qui rient, qui font du bruit, qui se livrent à une joie délirante. Pour le monde, la douleur a trop d'ennui. D'ailleurs, n'est-ce pas le monde lui-même qui se plaît à blesser, à flétrir et à empoisonner ceux qui l'approchent? François de Sales a écrit « Considérez le malheur du monde qui ne pense n'être créé que pour bâtir des maisons, planter des arbres et assembler des richesses. Que les mondains regardent la terre, cette terre noire et maudite, eux qui n'attendent rien au-delà. Mais nous qui avons mis notre espérance dans les biens futurs, oh, aimons à regarder le ciel. » Vincent de Paul a écrit « Seules les vérités éternelles sont capables de remplir notre cœur. » Frères et sœurs, il n'y a que les choses éternelles qui rempliront votre cœur. Jésus a dit « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. » Plus on vous abaisse en ce monde, plus votre nom sera mis à l'honneur dans le royaume de Dieu. Plus l'on vous méprise ici-bas, plus vous serez honoré dans le ciel. Un vrai chrétien est donc le citoyen de deux mondes. Son corps vit dans le monde naturel, mais son esprit vit dans le monde spirituel. Jésus a dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange, dans les cieux, voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Chaque vrai chrétien possède deux faces, l'une tournée vers la terre, l'autre tournée vers la face de Dieu. À toute heure du jour ou de la nuit, le chrétien peut se tourner vers Dieu et parler avec le ciel. L'apôtre Paul a écrit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Clément de Rome, au 1er siècle, écrivait ceci aux Corinthiens « Le monde présent et le monde à venir sont ennemis. Nous ne pouvons pas être l'ami des deux. » Nous devons dire adieu à ce monde pour bénéficier de celui qui est à venir. Amen. La Bible dit « C'est assez d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises et l'ivrognerie. Car celui qui a souffert en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Avez-vous assez souffert des faux plaisirs de la terre? Je vous le demande. Si oui, c'est assez. Vous avez suivi les autres dans leur péché, et loin d'être plus heureux, vous en êtes devenu plus malheureux encore. Alors ne tardez plus. Retournez-vous et faites face au Seigneur. Abandonnez le train de ce monde et entrez dans le service de Dieu. Si ce message vous a touché et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je suis fatigué d'avoir un cœur vide. Les plaisirs de ce monde m'ont menti et ne m'ont pas rempli. Viens, toi, remplir mon cœur et le satisfaire des plaisirs spirituels et des biens éternels. J'accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel et j'accepte de recevoir de lui une nouvelle vie. J'accepte de me mettre à son école pour apprendre comment je dois vivre pour être pleinement heureux. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.